Voyageurs célèbres du 1er au 9e siècle par Jules Verne. Pausanias, 174, Phaéon, 399, Cosma Indicoplestès, 500 environ, Arculf, 700, Willibald, 725, Soléman, 851. Pendant les deux premiers siècles de l'ère chrétienne, le mouvement géographique fut très accentué sous le rapport purement scientifique. Mais les voyageurs proprement dits, nous voulons dire les explorateurs, les découvreurs de pays nouveaux, furent certainement très rares. Pline, en l'an 23 de Jésus-Christ, consacrait les 3e, 4e, 5e et 6e livres de son histoire naturelle à la géographie. En l'an 50, Hippalus, navigateur habile, trouvait la loi des moussons de l'océan Indien et l'enseignait aux navigateurs à s'écarter au large pour effectuer, grâce à ses vents constants, leur voyage d'aller-retour aux Indes dans l'intervalle d'une seule année. Arien, un historien grec, né en 105, composait son périple du pont Euxin et cherchait à fixer avec une grande précision les contrées découvertes dans les explorations précédentes. Enfin, l'Égyptien Claude Ptolémée, vers 175, coordonnant les travaux de ses devanciers, publiait une géographie célèbre, malgré ses erreurs graves et dans laquelle la situation des villes relevé en longitude et en latitude, reposait pour la première fois sur une base mathématique. Le premier voyageur de l'ère chrétienne dont le nom est survécu, c'est Pausanias, écrivain grec, qui habite à Rome au IIe siècle et dont il nous reste une relation composée vers l'an 175. Ce Pausanias avait précédé notre contemporain Johann dans la rédaction des guides du voyageur. Il fit pour la Grèce antique ce que l'ingénieux et laborieux français a fait pour les diverses contrées de l'Europe. Son récit est un manuel exact et sûr, écrit sobrement, précis dans ses détails et avec lequel les touristes du IIe siècle pouvaient parcourir fructueusement les diverses provinces de la Grèce. Pausanias décrit minutieusement l'Attique et plus spécialement Athènes et ses monuments, ses tombeaux, ses arcs, ses temples, sa citadelle, son aéropage, son académie, ses colonnes. De l'Attique, il passe dans la Corinthie et explore les îles d'Égine et d'Éaque. Après la Corinthie, la Laconie et Sparte, l'île de Cythère, la Messénie, l'Élide, l'Archaïe, l'Arcadie, la Béotie et la Phocide sont étudiées avec soin. Les routes des provinces, les rues des villes sont portées dans ce récit et l'aspect général des diverses contrées de la Grèce n'y est point oublié. Mais en somme, Pausanias n'ajouta aucune découverte nouvelle à celle que ses prédécesseurs avaient mentionnée. Ce fut un voyageur précis, qui borna son œuvre à l'exploration exacte de la Grèce et non un découvreur. Néanmoins, sa relation a été mise à profit par tous les géographes et commentateurs qui traitèrent de l'Hellas et du Péloponnèse, et c'est avec raison qu'un savant du XVIe siècle a pu l'appeler un trésor de la plus ancienne et de la plus rare érudition. 130 ans environ après l'historien grec, un voyageur chinois, un moine, entreprenait, vers la fin du IVe siècle, une exploration des pays situés à l'occident de la Chine. La relation de son voyage nous a été conservée, et il faut s'associer au sentiment de M. Charton, qui regarde ce récit comme un monument d'autant plus précieux qu'il nous transporte en dehors de notre point de vue exclusif de la civilisation occidentale. Phaéon, accompagné de quelques moines, voulant sortir de la Chine par le côté de l'Occident, franchit plusieurs chaînes de montagnes et arriva dans ce pays qui forme aujourd'hui le Kangcheou, situé non loin de la Grande Muraille. Là, des Samanéens se joignirent à lui. Ils traversèrent le fleuve Chao et un désert que Marco Polo devait explorer 800 ans plus tard. Ils purent atteindre, après 17 jours de marche, le lac de Lob qui se trouve dans le Turkestan chinois actuel. Depuis ce point, tous les royaumes que ces religieux visitèrent se ressemblaient par les coutumes et les mœurs. La langue seule différait. Peu satisfaits de l'accueil qu'ils reçurent dans la contrée des Ouïghours, dont les habitants ne sont pas hospitaliers, ils s'aventurèrent vers le sud-est, en un pays désert, passant les rivières avec une peine extrême. Après 35 jours de marche, la petite caravane arriva en Tartarie, dans le royaume de Khotan, qui comptait plusieurs fois 10 000 religieux. Phaéon et ses compagnons furent reçus dans des monastères spéciaux, et après une attente de 3 mois, ils purent assister à la procession des images, grande fête commune aux bouddhistes et aux brahmanes, pendant laquelle on promène les images des dieux sur un char magnifiquement orné, par les rues jonchées de fleurs et au milieu des nuages de parfums. Après la fête, les religieux quittèrent Khotan et se rendirent dans le royaume qui forme aujourd'hui le canton de Kukeyar. Après un repos de 15 jours, on les retrouve plus au sud, dans un pays qui forme le Balistan actuel, pays froid et montagneux, où ne mûrit pas d'autre grain que le blé. Là, les religieuses se servirent de cylindres sur lesquels sont collées les prières, et que le fidèle fait tourner avec une rapidité extrême. De ce royaume, Fayan passa dans la partie orientale de l'Afghanistan, et il ne fallut pas moins d'un mois pour traverser des montagnes, au milieu desquelles, dans les neiges perpétuelles, il signale la présence de dragons venimeux. Au-delà de cette chaîne, les voyageurs se trouvaient dans l'Inde du Nord, dans ce pays arrosé par les premiers cours d'eau qui forment le cygne de l'Indus. Puis, après avoir traversé les royaumes de Wuchang, de Suoto et de Kiantovai, ils arrivèrent à Fulosha, qui doit être la ville de Peshawar, placée entre Kaboul et l'Indus, et 24 lieues plus à l'ouest, à la ville de Hilo, bâtie sur le bord d'un affluent de la rivière de Kaboul. Dans toutes ces villes, Fayan signale surtout les fêtes et coutumes relatives au culte de Pho, qui n'est autre que Bouddha. Les religieux, en quittant Hilo, durent franchir les monts Hindu Kush, qui s'élèvent entre le Tokarestan et le Gandhara. Là, le froid fut tellement violent qu'un des compagnons de Fayan tomba pour ne plus se relever. Après 1000 fatigues, la caravane parvint à gagner la ville de Banu, qui existe encore. Puis, après avoir passé de nouveau l'Indus dans la partie moyenne de son cours, elle entra dans le Pendjab. De là, descendant vers le sud-est, avec l'intention de traverser la partie septentrionale de la péninsule indienne, elle atteignit Mathura, une ville de la province actuelle d'Agra, et traversant le grand désert salé qui est à l'est de l'Indus, elle parcourut un pays que Fayan appelle le royaume central, dont les habitants, honnêtes et pieux, sans magistrat, ni loi, ni supplice, sans demander leur nourriture à aucun être vivant, sans boucherie et sans marchand de vin, vivent heureux, dans l'abondance et la joie, sous un climat où le froid et le chaud sont tempérés l'un par l'autre. Ce royaume, c'est l'Inde. En descendant au sud-est, Fayan visita le district actuel de Farrukhabad, sur lequel, suivant la légende, Bouddha mit le pied en redescendant du ciel par un triple escalier à degrés précieux. Le religieux voyageur s'étend longuement sur ses croyances du bouddhisme. De ce point, il partit pour visiter la ville de Kanuj, située sur la rive droite du Gange, qu'il appelle le Yang. C'est le pays de Bouddha par excellence. Partout où le dieu s'est assis, ses fidèles ont élevé de hautes tours. Les pieux pèlerins ne manquèrent pas de se rendre au temple de Chiwan, où Phoé, pendant 25 années, s'était livré à des macérations volontaires, et considérant le lieu sacré, près de l'endroit où Phoé avait rendu la vue à 500 aveugles, le cœur des religieux fut pénétré d'une vive douleur. Ils reprirent leur route, passèrent à Kapila, à Gorakhpur, sur la frontière du Népal, à Kinakie, endroit célèbre par les miracles de Pho, et ils arrivèrent au delta du Gange, à la célèbre ville de Palianfu, dans le royaume de Magadha. C'était un pays riche, habité par une population compatissante et juste, aimant les discussions philosophiques. Après avoir gravi le pic du Vautour, qui s'élève aux sources des rivières d'Ader et Panura, Fayan descendit le Gange, visita le temple d'Issipaten, que fréquentaient autrefois des mages volants, atteignit Bénarès, dans le royaume resplendissant, et plus bas encore, la ville de Tomoliti, située à l'embouchure du fleuve, à quelque distance de l'emplacement qu'occupe actuellement Calcutta. En ce temps, une caravane de marchands se préparait à prendre la mer, dans l'intention de se rendre à l'île de Ceylan. Fayan prit passage sur leur navire, et après 14 jours de traversée, il débarqua sur les rivages de l'ancienne Trapoban, sur laquelle le marchand grec Jean Boulos avait donné quelques siècles auparavant des détails assez curieux. Le religieux chinois retrouva dans ce royaume toutes les traditions légendaires qui se rattachent au dieu Phoé, et il y demeura 2 ans à s'occuper de recherches bibliographiques. Il quitta Ceylan pour se rendre à Java, qu'il atteignit après une traversée très mauvaise, pendant laquelle, lorsque le ciel était sombre, on ne voyait que de grandes vagues qui s'entrechoquaient, des éclairs couleur de feu, des tortues, des crocodiles, des monstres marins et d'autres prodiges. Après 5 mois de séjour à Java, Fayan s'embarqua pour Canton. Mais les vents le contrarièrent encore, et après avoir subi 1000 fatigues, il débarqua dans le Shantung actuel. Puis, ayant séjourné quelque temps à Nanking, il rentra à Xianfu, sa ville natale, après 18 ans d'absence. Telle est la relation de ce voyage dont M. Abel de Rémusat a fait une traduction excellente et qui donne des détails très intéressants sur les coutumes des Tartares et des Indiens, particulièrement en ce qui touche leurs cérémonies religieuses. Aux moines chinois succède, dans l'ordre chronologique, pendant le VIe siècle, un voyageur égyptien nommé Cosma Indicoplestès, nom que M. Charton traduit ainsi « voyageur cosmographe dans l'Inde ». C'était un marchand d'Alexandrie qui, après avoir visité l'Éthiopie et une partie de l'Asie, se fit moine à son retour. Son récit porte le titre de « Topographie chrétienne de l'univers ». Il ne donne aucun détail sur les voyages de son auteur. Des discussions cosmographiques pour prouver que la Terre est carrée et renfermée avec les autres astres dans un grand coffre oblong forment le début de l'ouvrage. Suivent des dissertations sur les fonctions des anges et une description du costume des prêtres hébreux. Cosma fait ensuite l'histoire naturelle des animaux de l'Inde et de Ceylan et cite le rhinocéros, le taureau cerf, qui peut se prêter aux usages domestiques, la girafe, le bœuf sauvage, le musc, que l'on chasse pour recueillir son sang parfumé, la licorne, qu'il ne considère pas comme un animal chimérique, le sanglier, qu'il appelle pourceau cerf, l'hippopotame, le phoque, le dauphin et la tortue. Après les animaux, Cosma décrit le poivrier, arbrisseau frêle et délicat, comme les plus petits sarments de vigne, et le cocotier dont les fruits ont une saveur douce comme celle des noix vertes. Depuis les premiers temps de l'ère chrétienne, les fidèles s'empressaient à visiter les lieux saints, berceaux de la religion nouvelle. Ces pèlerinages devinrent de plus en plus fréquents, et l'histoire a conservé le nom des principaux personnages qui se rendaient en Palestine pendant les premiers âges du christianisme. Un de ces pèlerins, l'évêque français Arculf, qui vivait vers la fin du VIIe siècle, a laissé le récit circonstanciel de son voyage. Il débute par donner la situation topographique de Jérusalem et décrit la muraille qui entoure la ville sainte. Il visite ensuite l'église en forme de rotonde construite sur le Saint-Sépulcre, le tombeau de Jésus-Christ et la pierre qui le fermait, l'église de Sainte-Marie, l'église construite sur le calvaire et la basilique de Constantin, élevée au lieu où fut trouvée la vraie croix. Ces différentes églises sont comprises dans un édifice unique qui renferme aussi le tombeau du Christ et le calvaire au sommet duquel le Sauveur fut crucifié. Arculf descend ensuite dans la vallée de Josaphat, située à l'est de la ville, où s'élève l'église qui recouvre le tombeau de la Vierge et le tombeau d'Absalom, qu'il appelle Tour de Josaphat. Puis, il gravit le mont des Oliviers, qui fait face à la villa au-delà de la vallée, et là il prie dans la grotte où pria Jésus. Il se rend alors au mont Sion, situé en dehors de la ville, à sa pointe sud. Il remarque en passant le figuier gigantesque auquel, suivant la tradition, se pendit Judas Iscariote, et il visita l'église du Cénacle, maintenant détruite. En contournant la ville par la vallée de Siloé, et en remontant le torrent de Cédron, l'évêque revient au mont des Oliviers, couvert de riches moissons de froment et d'orge, d'herbes et de fleurs, et il décrit, au sommet de la montagne sainte, l'emplacement d'où le Christ s'éleva au ciel. Là, les fidèles ont bâti une grande église ronde, avec trois portiques cintrés, qui, sans toit ni voûte, demeure ouverte sous le ciel nu. « On n'a pas voûté l'intérieur de l'église, » dit la relation de l'évêque, « afin que de ce lieu où se posèrent pour la dernière fois les pieds divins, lorsque le Seigneur s'éleva au ciel sur une nuée, une voie toujours ouverte jusqu'au ciel y conduisit les prières des fidèles. Car, lorsqu'on construisit cette église dont nous parlons, on ne put paver, comme le reste de l'édifice, l'endroit où s'étaient posés les pieds du Seigneur. À mesure que l'on appliquait les marbres, la terre, impatiente de supporter quelque chose d'humain, les recrachait, si j'ose le dire, à la face des ouvriers. D'ailleurs, comme un enseignement immortel, la poussière conserve encore l'empreinte des pas divins, et bien que chaque jour la foi des visiteurs leur fasse enlever cette empreinte, elle reparaît sans cesse et la terre la conserve toujours. Après avoir exploré le champ de Béthanie, au milieu de la grande forêt des Oliviers, où se voit le sépulcre de Lazare, et l'église située à droite sur l'emplacement même où le Christ avait l'habitude de s'entretenir avec ses disciples, Arculf se rendit à Bethléem, qui est bâtie à 2 heures de la ville sainte, au sud de la vallée de Zéphraïm. Il décrit le lieu de la naissance du Seigneur, une demi-grotte naturelle, creusée à l'extrémité de l'angle oriental de la ville, et au-dessus, l'église construite par sainte Hélène, puis les tombeaux des trois pasteurs qui, à la naissance du Seigneur, furent entourés d'une clarté céleste, le sépulcre de Rachel, les tombeaux des quatre patriarches, Abraham, Isaac, Jacob et Adam, le premier homme. Puis, il visite la montagne, le chêne de Mambré, sous l'ombrage duquel Abraham donna l'hospitalité aux anges. De ce point, Arculf se rend à Jéricho, ou plutôt à l'endroit qu'occupait cette ville, dont les murailles s'écroulèrent au son des trompettes de Josué. Il explore le lieu où les fils d'Israël, après avoir passé le Jourdain, firent leur première station dans la terre de Canaan. Il contemple dans l'église de Galgala les 12 pierres que les Israélites, par ordre du Seigneur, tirèrent du torrent desséché. Il suit les rives du Jourdain et reconnaît sur sa rive droite, près d'un coude du fleuve, à 1 heure de marche de la mer Morte, au milieu d'un site pittoresque planté d'arbres magnifiques, le lieu où le Seigneur fut baptisé par Jean, à l'endroit même où l'on a planté une croix que les eaux blanchâtres, lorsqu'elles sont grossies, couvrent tout entière. Après avoir parcouru les rivages de la mer Morte, dont il goûta le sel, après avoir recherché en Phénicie ce pied du Liban d'où s'échappent les sources du Jourdain, après avoir exploré la plus grande partie du lac de Tibériade, visité le puits de Samarie où le Christ fut rafraîchi par la Samaritaine, la fontaine du désert où s'abreuvait saint Jean-Baptiste, la vaste plaine de Gazan, jamais labourée depuis, dans laquelle Jésus bénit 5 pains et 2 poissons, Arculf descendit vers Capharnaüm, dont les restes n'existent même plus. Puis il se transporta à Nazareth, où se passa l'enfance de Christ, et il termina au mont Tabor, situé en Galilée, son voyage proprement dit au lieu saint. La relation de l'évêque contient ensuite des détails géographiques et historiques sur d'autres villes qu'il visita, la cité royale de Damas, que 4 grands fleuves parcourent pour l'égayer, Tyr, métropole de la province de Phénicie, qui, jadis séparée du continent, y fut rattachée par les jetées de Nabuchodonosor, Alexandrie, autrefois la capitale de l'Égypte, que le voyageur atteignit 40 jours après avoir quitté Jaffa, et enfin Constantinople, dont il visita souvent la vaste église où l'on conserve le bois sacré de la croix sur lequel le Sauveur mourut crucifié pour le salut du genre humain. Enfin, la relation du voyage, qui fut écrite sous la dictée de l'évêque par l'abbé de Saint-Colomban, s'achève en recommandant au lecteur d'implorer la clémence divine pour le saint prélat Arculf et de prier aussi pour l'écrivain, misérable pécheur, le Christ, juge de tous les siècles. Quelques années après l'évêque français, un pèlerin anglais entreprenait le même voyage dans un but pieux et il l'accomplissait à peu près dans les mêmes conditions. Ce pèlerin se nommait Willibald. Il appartenait à une famille riche qui habitait vraisemblablement le comté de Southampton. À la suite d'une maladie de langueur, ses parents le consacrèrent à Dieu et sa jeunesse se passa au milieu des exercices de piété dans le monastère de Waldheim. Arrivé au terme de l'adolescence, Willibald résolut d'aller prier à Rome dans l'église consacrée à l'apôtre Pierre, et ses vives instances déterminèrent son père Richard, son frère Wimbald et sa jeune sœur Walpurge à l'accompagner. La pieuse famille s'embarqua à Humblehaven au printemps de l'année 721, et remontant la Seine, elle vint débarquer près de la ville de Rouen. Willibald donne peu de détails sur le voyage jusqu'à Rome. Après avoir traversé Cortone, ville de la Ligurie, Luc en Toscane, où Richard succomba aux fatigues du voyage, le 7 février 722, après avoir franchi les Apennins pendant l'hiver, les deux frères et la sœur entrèrent à Rome, et ils y passèrent le reste de l'hiver, très éprouvés les uns et les autres par de violentes fièvres. Willibald, revenu à la santé, forma le projet de poursuivre son pèlerinage jusqu'au lieu saint. Il renvoya son frère et sa sœur en Angleterre, et partit en compagnie de quelques religieux. Par Terracine et Gaète, ils allèrent à Naples, firent voile pour Reggio en Calabre, pour Catane et Syracuse en Sicile. Puis, prenant définitivement la mer, après avoir touché à Kos et à Samos, ils débarquèrent à Éphèse en Asie mineure, où s'élevaient les tombeaux de saint Jean l'Évangéliste, de Marie-Madeleine et des 7 dormants, qui sont 7 chrétiens martyrisés sous le règne de l'empereur Dèce. Après avoir séjourné quelque temps à Strobol, à Patara, et en dernier lieu à Mytilène, capitale de l'île de Lesbos, les pèlerins se transportèrent à Chypre, visitèrent également Paphos et Constance. Enfin, on les retrouve au nombre de 7 dans la ville phénicienne d'Édissa, où se voit le tombeau de saint Thomas l'apôtre. En cet endroit, Willibald et ses compagnons, pris pour des espions, furent emprisonnés par les Sarrasins. Mais le roi, à la recommandation d'un Espagnol, les fit mettre en liberté. Les pèlerins quittèrent la ville en toute hâte, et à partir de ce moment, leur itinéraire est presque celui de l'évêque Arculf. Ils visitent Damas en Syrie, Nazareth en Galilée, Cana, où l'on voit une des amphores miraculeuses, le mont Tabor, où s'accomplit le grand fait de la Transfiguration, Tibériade, située à l'endroit où le Seigneur et Pierre marchèrent sur les flots, Magdala, où demeuraient Lazare et ses sœurs, Capharnaüm, où Jésus ressuscita la fille du prince, Bethsaïde de Galilée, patrie de Pierre et d'André, Chorosaïn, où le Seigneur guérit des possédés, Césarée, où la clé du ciel fut donnée à saint Paul, l'endroit où le Christ fut baptisé, Golgala, Jéricho et Jérusalem. La ville sainte, la vallée de Josaphat, le mont des Oliviers, Bethléem, Théma, où Hérode fit mettre à mort les petits-enfants, la vallée de Laura, Gaza, reçurent la visite des pieux pèlerins. Dans cette ville, pendant qu'on célébrait l'office dans l'église Saint-Mathias, Willibald raconte qu'il perdit subitement la vue et il ne la recouvra qu'à Jérusalem, 2 mois après, en rentrant dans l'église de la Sainte-Croix. Il parcourut ensuite la vallée de Diospolis, à 10 000 de Jérusalem, puis au bord de la mer Syrienne, Tyr, Sidon et Tripoli de Syrie. De là, par le Liban, Damas et Césarée, Willibald gagna Emmaüs, bourg de la Palestine, où coule la fontaine à laquelle le Christ lava ses pieds, et enfin Jérusalem, où les voyageurs demeurèrent pendant toute la saison d'hiver. Les infatigables pèlerins ne devaient pas borner là leur exploration. On les retrouve successivement à Ptolémaïs, Saint Jean d'Acre actuellement, à Emesa, à Jérusalem, à Damas, à Samarie, où sont les tombeaux de Saint Jean-Baptiste, d'Abdias et d'Élisée, à Tyr, où il faut l'avouer, le pieux Willibald fraudait la douane du temps en dissimulant une certaine quantité de baumes de Palestine, très renommée alors et qui était soumise au droit. À Tyr, après un long séjour, il put s'embarquer pour Constantinople, que ses compagnons et lui habitèrent pendant 2 ans, et enfin, ils revinrent par la Sicile et la Calabre, Naples et Capoue. Le pèlerin anglais arriva au monastère du mont Cassin, ayant quitté son pays depuis 10 ans. L'heure du repos, cependant, n'était pas encore venue pour lui. Il fut nommé par le pape Grégoire III un évêché nouvellement créé en Franconie. Il avait 41 ans quand il fut sacré évêque. Pendant 45 ans encore, il occupa son siège épiscopal et il mourut en l'an 745. En 938, Willibald fut canonisé par le pape Léon VII. Nous terminerons la liste des voyageurs du 1er au 9e siècle en citant un certain Soleiman, marchand de Bassora, qui, parti du golfe Persique, atteignit les confins de l'Asie et débarqua sur les rivages chinois. Ce récit contient 2 parties distinctes, l'une rédigée en 851 par Soleiman lui-même, qui fit réellement ce voyage. L'autre écrite en 878 par un géographe, Abu Zayd Hassan, dans le but de compléter la première. Suivant l'opinion de l'orientaliste Reynaud, ce récit a jeté un jour tout nouveau sur les rapports commerciaux qui existaient au IXe siècle entre les côtes de l'Égypte, de l'Arabie et des pays riverains du golfe Persique, d'une part, et de l'autre, les vastes provinces de l'Inde et de la Chine. Soleiman, sorti du golfe Persique, après s'être approvisionné d'eau douce à Mascate, visita d'abord la deuxième mer, c'est-à-dire la mer larvie des Arabes, ou mer d'Oman de la géographie moderne. Il observa d'abord un poisson d'une masse énorme, probablement un cachalot, que les navigateurs prudents cherchèrent à effrayer en sonnant la cloche, puis un requin dans le ventre duquel on en trouva un plus petit qui en renfermait lui-même un plus petit encore. « Tous deux vivants, » dit le voyageur avec une exagération manifeste. Enfin, après avoir décrit le remora, le dactyloptère et le marsouin, il dit ce qu'est la mer de Hercande, comprise entre les Maldives et les îles de la Sonde, dans laquelle il compte au moins 1900 îles, dont les rivages sont semés de gros morceaux d'ambre gris. Parmi ces îles, gouvernées par une femme, il nomme principalement de leur nom arabe Ceylan et sa pêcherie de perles, Sumatra, riche en mines d'or, habitée par des anthropophages, les Nicobars et les Andamans, dont les tribus sont encore aujourd'hui cannibales. Cette mer de Hercande, dit-il, se soulève quelquefois en trompes furieuses qui fracassent les navires et rejette à la côte une immense quantité de poissons morts et même des blocs de pierre et des montagnes. Quand les vagues de cette mer se soulèvent, l'eau présente l'apparence d'un feu qui brûle. Soleiman la croit fréquentée par une espèce de monstre qui dévore les hommes et dans lequel les commentateurs ont cru reconnaître le squale pantouflier. Arrivé au Nicobar, Soleiman, après avoir échangé avec les habitants du fer contre des cocos, des cannes à sucre, des bananes et du vin de cocotier, traversa la mer de Calabar, qui baigne la côte de Malacca. Puis, après 10 journées de navigation sur la mer de Chelaet, il se dirigea pour faire de l'eau vers un lieu qui pourrait être Singapour. Enfin, il remonta au nord par la mer de Kendredge, qui doit être le golfe de Siam, de manière à venir en vue du Pulau Obi, situé dans le sud de la pointe de Cambodge. Devant les navires du marchand de Bassora s'ouvrait alors la mer de Senf, étendue d'eau comprise entre les Moluques et l'Indochine. Soleiman alla se ravitailler à l'île Sander Fulat, située vers le cap Barela, et de là, il se lança sur la mer de Sandige, ou mer de Chine, et un mois plus tard, il entrait à Kanfu, le port chinois de la ville actuelle de Chekiang, où les bâtiments, à cette époque, avaient coutume d'aborder. Le reste de la relation de Soleiman, complété par Abu Zeid Hassan, ne contient plus que des renseignements très détaillés sur les mœurs des Indiens, des Chinois et des habitants du Senj, contrée située sur la côte orientale de l'Afrique. Mais ce n'est plus le voyageur qui parle, et ces détails qu'il donne, nous les retrouverons plus intéressants et plus précis dans les relations de ses successeurs. Ce qu'il faut dire, pour résumer les travaux des explorateurs qui parcoururent la Terre, 16 siècles avant l'ère chrétienne et 9 siècles après, c'est que depuis la Norvège jusqu'aux extrémités de l'Empire chinois, en passant par l'Atlantique, la Méditerranée, la mer Rouge, l'océan Indien et la mer de Chine, cette immense étendue de côte était en grande partie déterminée et visitée. Des explorations avaient été hardiment tentées à l'intérieur des terres, en Égypte jusqu'à l'Éthiopie, en Asie mineure jusqu'au Caucase, dans l'Inde et la Chine jusqu'à la Tartarie, et si la précision mathématique manquait encore aux divers points relevés par les voyageurs, du moins les usages, les mœurs des habitants, les productions des divers pays, les modes d'échange, les coutumes religieuses étaient suffisamment connus. Les navires, profitant des vents réguliers, pouvaient se hasarder avec plus de confiance sur les mers. Les caravanes savaient se diriger plus sûrement à l'intérieur du continent, et c'est grâce à cet ensemble de connaissances répandues par les écrits des savants que le commerce prit un essor considérable dans la dernière période du Moyen Âge. C'était « Voyageurs célèbres du 1er au 9e siècle » par Jules Verne.